L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Judith De Paul, nous allons parler d'un spectacle qui sera prochainement à l'affiche à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, La guerre de mon père. Un spectacle donc qui nous situe dans un contexte bien particulier qui est celui de la guerre d'Algérie. Trop longtemps, très longtemps, voire encore aujourd'hui un peu, qualifié de guerre sans nom, voire même à l'époque, un conflit qui était qualifié par l'État français de maintien de l'ordre. On était bien loin d'un climat de guerre. Pourquoi ce choix? Pourquoi vouloir, lever un peu le silence sur cette période de l'histoire qui aujourd'hui reste très sensible des deux côtés de la Méditerranée? Alors, j'ai fait le constat, notamment après l'attentat à Charlie Hebdo, qu'en fait, la discussion au niveau de la société française excluait complètement la question coloniale. Et ça m'a beaucoup interrogée de voir que c'était absent du débat, vu la teneur des attentats qu'il y a eu. Et j'ai également été très frappée par le fait que la jeune génération était complètement ignare à ce propos. Et je me suis dit qu'il y avait sûrement un lien à faire entre la question identitaire et le fait que justement beaucoup de jeunes ne connaissent même pas l'histoire de leurs grands-parents. Je pense que c'est difficile de savoir qui on est quand on ne sait même pas d'où on vient et quel a été le parcours et la vie de ses ancêtres. Donc, partant de ces constats-là, je me suis dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire, d'autant plus que la génération qui a fait son service en Algérie est maintenant en train de mourir et qu'elle elle souhaite témoigner avant de partir. Donc, avec Vincent, dont le père a fait son service militaire en Algérie, on a commencé un travail d'enquête. Ça a été l'occasion pour le comédien de parler pour la première fois de sa vie à son père de la guerre d'Algérie. Il savait que son père avait fait la guerre. Ça se résumait à une séance de diapo et peut-être une question que posent souvent les enfants à leurs parents quand ils savent qu'ils ont fait la guerre, à savoir « Papa, est-ce que tu as tué quelqu'un ?» Et pour la première fois, ils ont pris le temps de discuter ensemble. Ça a commencé par une déclaration de son père qui disait « Non, mais je n'ai rien à dire ». Et en fait, il nous a parlé plus d'1h30, donc il avait des choses à dire. Et il avait surtout un malaise à raconter, un malaise qui était resté, c'est-à-dire qu'il y a sur cette guerre un déni qui commence dès la première seconde. On envoie des jeunes personnes faire leur service militaire en Algérie. C'est des personnes qui n'ont jamais quitté leur maison, qui parfois n'ont jamais pris le train, ni le bateau évidemment, et qui ne savent rien, qui ne sont souvent peu politisés. Il n'y en est évidemment pas à l'heure d'Internet. Il y a un peu des journaux, mais qui n'en parlent pas beaucoup. Il y a parfois la radio, mais pas la télévision. Et donc, ils partent comme ça. Ils sont expédiés dans ces endroits. Et c'est un choc. C'est un choc d'abord tout simplement culturel. Et ensuite, c'est un choc parce que quand on est confronté à la guerre et que on doit tuer ou qu'on voit des gens se faire tuer, on ne rentre pas indemne. Et la société française n'a rien fait pour toute cette génération d'appelés qui a vécu la guerre. Elle n'a pas tenu compte des traumatismes qu'ils auraient éventuellement vécu. Et tout ça a été absorbé comme un déni d'une guerre, effectivement, comme vous l'avez dit, sans nom, d'une guerre qu'il ne fallait pas nommer, dont il ne fallait pas parler, parce que ça faisait pas beau dans l'histoire de la France, parce que l'Algérie était une colonie de peuplement, et que donc il y a un vrai traumatisme aussi pour tous les gens qui ont vécu, que cette histoire s'arrête, même s'il était clair qu'il fallait qu'elle s'arrête, puisque on était dans une entreprise coloniale. Voilà, donc partant de tous ces constats, moi je me suis dit que la société française ne pouvait pas se sentir bien tant qu'elle n'avait pas réglé ses histoires avec ça, entre autres, parce que que si c'était la seule histoire qu'il fallait régler, ce serait chouette, mais il y en a beaucoup d'autres, malheureusement, mais qu'un déni, ça s'inscrit dans la durée, ça se transmet de génération en génération, ça fait des générations qui ont une idée fantasmée de ce qu'était la guerre d'Algérie, que ce soit du côté algérien ou français. Et voilà, ils ont besoin de savoir, en fait. Ils ont besoin de savoir pour se projeter, ils ont besoin de savoir pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre le pays dans lequel ils sont, pour comprendre aussi... qu'est-ce que ça veut dire la guerre, pourquoi on fait pas la guerre impunément, pourquoi la colonisation ce n'est pas possible, etc. etc. Je vous ai laissé parler parce que c'est vrai que le sujet, quand je disais sensible, le fait d'évoquer cette période de l'histoire de France et de ce territoire qui est devenu aujourd'hui un État depuis 1962, c'est ça l'Algérie, hein, 1962. Mm-hmm. C'est vrai que derrière cela, vous évoquiez l'ignorance pour un certain nombre, le silence, les non-dits, voire je crois que vous qualifiez ça de zone de non-existence qui se sont installées depuis plus de 50 ans. Lever cette part de silence n'est pas aussi aisé encore aujourd'hui. Non, pas du tout, parce qu'il y a un regain des partisans de l'OAS, avec des stèles victimes de l'OAS, enfin des personnes de l'OAS qui ont été tuées, qui fleurissent depuis maintenant une dizaine d'années, notamment dans le sud de la France. Donc il y a une nostalgérie qui est très fort, très exacerbé, qui je pense aussi correspond à une génération qui est en train de s'éteindre, mais qui se réaffirme. Et de toute façon, on est dans une période de régression sociétale, donc tout ça s'explique, mais voilà, ça, ce genre de valeur revient très fort. Et oui, ça reste sensible. Hein. Mmh. L'idée d'une grande France fantasmée, d'un... Oui, comme ça, d'un royaume ou d'un empire colonial revient au goût du jour. C'est vrai qu'on sent bien dans la société d'aujourd'hui, dans la société française, une volonté de réécrire l'histoire. Et là, pour le coup, selon le point de vue où on se situe, on n'a pas forcément le désir de traduire ce qu'a été l'histoire. Vous avez eu un parti pris, celui de privilégier le point de vue des appelés et de leur famille, c'est ça ? Oui, moi je me suis posé la question des appelés parce que c'est une histoire dont on parle quasiment jamais. On parle effectivement souvent de l'OAS, on parle souvent des pieds noirs, éventuellement des harkis, mais les appelés, c'est quand même 1 350 000 personnes qui ont été concernées. C'est vraiment les oubliés de l'histoire, je pense. Toutes ces jeunes personnes qui ont été balancées comme ça dans ces pays, qui n'avaient rien demandé, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Bon, pas tous, certains le savaient, certains étaient politisés, mais de toute façon, les plus politisés ont essayé d'échapper au service. Puis après, il y avait des positions qui étaient plus ou moins claires. Celle du Parti communiste n'était pas très claire à l'époque, donc il y a des personnes qui étaient... anti-militaristes qui se sont quand même retrouvés à faire la guerre. Enfin bon, voilà, tout ça est le reflet d'une époque complexe, mais je pense que c'est important de raconter aussi comment toute une génération de jeunes hommes est partie faire quelque chose dont ils ne maîtrisaient rien du tout à leur corps défendant, et que ça laisse une trace indéniable dans la société. C'est-à-dire oui. C'est comme une espèce d'erreur, quoi. Erreur. Oui, au nom du maintien de l'ordre. Exactement. Un grand nombre d'entre eux ont mis leur vie en péril. Certains, c'est un certain nombre, ont été amenés à tuer. Certains ne s'en sont jamais remis. Certains ont été jusqu'à commettre des exactions comme la torture. Ça, c'est c'est encore un sujet tabou. Certains n'en sont pas restés indemnes et n'ont pas pu finir leur vie correctement. Comment vous avez recueilli ces paroles ? Parce qu'effectivement, ce spectacle repose à la base sur des témoignages d'anciens appelés. Je suis allée voir un certain nombre d'associations, d'anciens combattants, des personnes qui sont donc quand même d'accord avec l'idée de témoigner et qui pensent que c'est nécessaire. Donc avec après, selon les associations, une analyse différente de ce qu'a été le conflit. Mais néanmoins, je me suis tournée vers ces associations qui elles-mêmes ont sollicité leurs membres. Et voilà, ça a été relativement facile. Après, certaines personnes n'ont pas souhaité parler, mais je dirais pas que c'était majoritaire. Les gens se sont plutôt montrés assez coopératifs. Mmh. Alors, c'est à la fois des témoignages, ce sont des images aussi, parce que il y a tout un dispositif vidéo qui vient se convoquer un peu la mémoire de cette période de l'histoire. Donc, il y a des images d'archives. Quels sont les autres documents auxquels vous avez eu recours? Bien, donc il y a les interviews qui jouent en interaction avec le comédien au plateau. Donc le comédien seul en scène. Enfin, dialogue avec les témoins par un jeu de montage et de projection vidéo. Et puis il y a effectivement les archives que chaque appelé interviewé a bien voulu nous permettre de copier. Et de restituer pendant le spectacle. Donc ce sont des diapositives, des cartes, des photos, des films Super 8. Mmh. Voilà. Donc, comme et je disais... on a également recueilli le témoignage d'autres acteurs du conflit, et cette fois-ci du côté algérien. Mmh. Donc est-ce qu'on peut parler d'un spectacle historique, même si là vous avez fait d'abord plus un travail d'enquête sur cette part de l'histoire, quelle est la part didactique de ce spectacle-là? Ben, le spectacle, il est en fait, il essaye de retracer au plus proche l'enquête qu'a fait Vincent Deslandres sur son père. Et donc de mettre en scène cette enquête. Mmh. Donc on est dans un cas de figure qui est que l'acteur joue son propre rôle, ce qui ne veut pas dire qu'il ne joue pas, mais il joue son propre rôle. Et il emmène les spectateurs dans le cheminement de son enquête et dans tout ce que lui a essayé de traverser comme matière historique pour aussi cerner la guerre de son père. Et donc, par exemple, il a été très frappé par l'enseignement qu'on avait de la guerre d'Algérie au lycée, et en tout cas à son époque à lui. Et il s'est dit que le problème, c'est qu'il fallait commencer par l'histoire de la colonisation. Donc, il s'est amusé à écrire l'histoire de la colonisation algérienne en 3 minutes, en se disant que voilà, on pourrait commencer par ça. Donc il y a effectivement parfois des aspects très didactiques, mais très assumés comme tels. Et puis voilà, puis des moments beaucoup plus poétiques qui sont un travail à partir des interviews qui ont été faites dans l'idée de... Moi, ce que j'aime bien, c'est que comme on fait des interviews systématiques, au bout d'un moment, on peut regarder les lignes de traverse et aussi les divergences et s'amuser comme ça à travailler autour de ça. C'est des choses qui ont marqué le plus les personnes et revenir autour de ça et voir ce qui revient de façon systématique dans toutes les interviews. Merci Judith De Paul. Juste précision à faire avant de conclure notre échange. La représentation du 2 juin, du samedi 2 juin à 17h, sera suivie d'un débat avec à la fois l'équipe artistique, mais avec la participation de Catherine Brun, professeure de littérature et théâtre de langue française, et d'Abderrahmane Moumène, historien, chargé de mission sur la mémoire de la guerre d'Algérie à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Il y a déjà des publics qui ont assisté à ce spectacle qui a été, je crois, présenté la première fois en décembre 2015, c'est ça? C'est ça. Et quelle réaction, 2015. Quelle la réaction du public? Oh bah, tout dépend du public. Oui. Mais en général, je dirais que chez la jeune génération, ça évoque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et chez les personnes qui ont connu la guerre d'Algérie, beaucoup de débats. Voilà. Merci. Comme vous l'avez dit, c'est encore une question sensible. Donc, je comprends. On revit la guerre d'Algérie parfois dans la salle. Merci. On sera présent le vendredi 1er juin pour deux représentations en scolaire et le samedi 2 juin à 17h pour une représentation tout public. C'est présenté dans le cadre de Théâtre et Politique. C'est à l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Merci Judith De Paul. Merci.